comment distinguer la droite et la gauche. Au cours de ces dernières années, le président de la République a tenté de dépasser le clivage droite-gauche en développant sa rhétorique du « en même temps ». Néanmoins, les dernières élections ont montré que ce clivage n'avait pas disparu, car il est profondément inscrit dans l'histoire de nos institutions. La démocratie électorale, fondée sur une logique arithmétique, favorise la bipolarisation du champ politique. D'un côté, la majorité au pouvoir, et de l'autre côté, la minorité dans l'opposition. Les manières de nommer cette bipolarisation sont très variables d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, elle oppose les républicains et les démocrates. Au Royaume-Uni, les travaillistes et les conservateurs. En Allemagne, le SPD et la CDU, etc., etc. Dans le cas français, le moment fondateur a eu lieu lors des premiers débats à l'Assemblée nationale au mois d'août-septembre 1789. Les députés de la noblesse et du clergé se sont regroupés à droite du président de l'Assemblée constituante parce que, dans la tradition aristocratique, c'était la position de ceux qui occupent les places d'honneur. Les députés du tiers-État, réunis sous l'étiquette de « patriotes », se sont alors rassemblés sur les bancs de gauche. Sous la Restauration, entre 1815 et 1830, les termes de « droite » et « gauche » ont commencé à être utilisés non seulement pour désigner les places occupées dans l'Assemblée nationale, mais aussi pour qualifier des courants politiques. Dans la France d'aujourd'hui, ceux qui se situent à droite de l'échiquier politique sont généralement des libéraux sur le plan économique. Ils plaident pour le renforcement de l'État sécuritaire, de préférence à l'État social. Ils défendent l'identité et les traditions nationales. À l'inverse, la gauche privilégie la lutte contre les inégalités sociales et contre les discriminations à l'égard des minorités. Il faut toutefois rappeler que lorsque la société est ébranlée par de puissants bouleversements, le clivage entre droite et gauche peut évoluer brutalement. Ce fut le cas à la fin du XIXe siècle, quand la France plongea vraiment dans l'ère industrielle. La montée en puissance du mouvement ouvrier fit émerger une extrême gauche, incarnée alors par une mouvance socialiste qui devint rapidement hégémonique à gauche, ce qui eut pour effet de rejeter vers la droite une grande partie des républicains. Au-delà des étiquettes, ces bouleversements ont affecté aussi le contenu des discours politiques. L'un des meilleurs exemples concerne la question nationale. Alors que l'exaltation de la nation avait été un argument majeur des discours de gauche jusqu'en 1870, ce thème a basculé brutalement vers la droite à partir des années 1880, au moment où la gauche socialiste a repris à son compte le discours marxiste sur la lutte des classes. Puisque nous sommes entrés dans une nouvelle période de bouleversements socio-économiques intenses, cet exemple historique pourrait être utile pour mieux comprendre comment se redéfinissent aujourd'hui les discours et les valeurs dites de droite ou de gauche.